toutes et à tous. Nous voilà ensemble pour ces quelques minutes bonheur. C'est le moment de fermer les yeux et de se connecter à soi-même, se connecter à la vie. Il est temps. Vous le savez, ici j'aime parler de bien-être, de bien vivre. Si chacun d'entre nous pouvait passer un message de paix, si chacun d'entre nous pouvait tendre la main au voisin, tendre l'oreille, ouvrir les bras. Il est temps de s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres. Il est temps de se déconnecter de l'ego et de s'ouvrir au monde. Parfois, l'on s'imagine qu'il faut pouvoir avoir de l'argent et devoir investir dans le bien-être. Aujourd'hui, je consacre nos minutes bonheur ensemble et je partage ces minutes avec vous pour parler de la sylvothérapie. La sylvothérapie, ou quand les arbres soignent nos maux. Ce terme aurait été inventé en 1982 par le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche. On a tous un jour ressenti le besoin profond d'une balade en forêt. Se balader dehors, respirer l'air pur et se sentir bien, ou même mieux. Et si ce sentiment de bien-être procuré par une balade n'était pas qu'un mirage, mais cachait de véritables vertus physiologiques et thérapeutiques? Il existe beaucoup d'ouvrages, de films, de documentaires sur ce sujet. Il existe aujourd'hui un véritable intérêt de l'humain dans la connaissance de l'arbre. Nous savons aujourd'hui que nos amis sont conscients de leur corps. Notre air s'ouvre enfin. Et il est temps de respirer en pleine conscience l'air pur de Mère Nature. Il est à noter qu'après l'avènement de l'hygiénisme, notamment inspiré par Pasteur, Georges Plaisance a démontré que l'air forestier contenait bien moins de microbes que l'air urbain. 50 microbes par mètre cube d'air en forêt littorale, contre 1000 dans le parc Montessori de Paris, 88 000 sur les Champs-Élysées, ou encore 575 000 sur les grands boulevards à Paris. Quand les arbres vous apportent des sensations de bien-être psychophysique grâce à leur énergie, la sylvothérapie est un mode de soin qui repose sur une idée simple: le contact avec les arbres peut apporter de meilleures sensations de bien-être psychophysique. Comment ? Grâce à l'énergie transmise à notre organisme par ces grandes plantes. Le bienfait des arbres est corroboré par des tests scientifiques. Selon certaines études, il suffirait de s'adosser à un arbre en appuyant sa main droite sur son estomac et sa main gauche sur le dos pendant 20 secondes pour capturer les vertus bénéfiques de l'arbre choisi. Des cures sylvatiques ont même depuis longtemps été développées dans certains pays, notamment au 19e et au début du 20e siècle pour les tuberculeux, en forêt tempérée ou nordique. Des sanatoriums et leurs salariums et divers types de centres de cure ont été installés dans des environnements forestiers ou en bordure de lacs. Certains fonctionnent encore. Les Japonais appellent Shin-in Yokun, littéralement le bain de forêt, la pratique qui consiste à passer du temps en forêt pour prendre soin de sa santé. En prenant quelques instants dans la forêt au milieu de nos congénères les arbres, on bénéficierait d'un air naturellement enrichi en huiles essentielles, terpènes et en phytoncides, molécules antibiotiques naturellement sécrétées par les arbres pour se défendre contre leurs pathogènes. Le cèdre en Orient, le pin en Europe ou le sapin baumier en Amérique du Nord ont depuis longtemps la réputation d'être bon pour la santé de ceux qui en respirent les effluves. Par ailleurs, les scientifiques de la Nippon Medical School mènent depuis des années des recherches sur la sylvothérapie. Le King Lee aurait ainsi démontré d'autres bienfaits sur la santé, de simples promenades en forêt, accroissement d'indicateurs de la vitalité, renforcement de l'immunité, diminution d'indicateurs de stress, anxiété, dépression, colère. La sylvothérapie aurait donc une action préventive sur l'hypertension, la dépression. Quoi de plus naturel que de plus simple qu'une promenade au milieu des arbres? Une étude publiée en 2004 par l'agence responsable des forêts au Japon a montré que le sang de personnes ayant marché dans les bois contient un taux de cortisol beaucoup plus bas que celui des personnes ayant couvert la même distance en ville. Or, cette hormone est considérée comme une des principales hormones du stress. Roger Ulrich, qui étudie le comportement humain à l'université A&M du Texas, note également que les patients guérissent plus vite quand leur chambre donne sur un espace vert. Ces derniers souffrent moins de nausées et prennent moins d'analgésiques. Les enfants aussi sont particulièrement sensibles à la proximité des arbres. Cela a une répercussion positive sur leur fonctionnement cognitif, ainsi que sur leur capacité à jouer de manière créative lorsqu'ils sont dans des espaces naturels. Il semblerait même que les enfants qui souffriraient de déficit d'attention s'apaiseraient et augmenteraient leur seuil de concentration au contact des arbres. Les Celtes, probablement inspirés par la forêt celtique, ont attribué à chaque arbre une vertu particulière. Le bouleau, symbole de renaissance et de pureté. Le frêne, l'arbre de la vie et de l'initiation. Le chêne, image de la force et de la capacité à vaincre. Le saule, lui, symbolise la lune et donc la femme. Le noisetier conférerait la sagesse et donc la vie. Le haut protège les ennemis et est de bon augure. C'est d'ailleurs de là que vient la symbolique du baiser sous le haut à l'occasion du nouvel an. Le lierre, il favorise la recherche intérieure et indique les ressources. L'aubépine serait idéale pour faire un voyage intérieur et avoir de l'intuition. Au Japon, la sylvothérapie est donc reconnue comme une technique de relaxation à part entière. L'échange avec un arbre est important. Choisissez un arbre qui vous attire par sa forme, sa majesté, sa puissance. Regardez de plus près ses feuilles, ses couleurs, ses fruits. Ou bien promenez-vous, l'esprit ouvert, et dans l'instant présent, laissez-vous guider vers l'arbre. On dit dans ce cas que c'est l'arbre qui vous choisit. Fermez les yeux, bras le long du corps, de voix haute ou mentalement, demandez à l'arbre, peux-tu me donner de l'énergie? Ensuite, collez-vous contre lui et enlacez-le. Collez le front ou la joue contre l'écorce. Mettez vos pieds contre les racines. Fermez les yeux. Respirez calmement. Restez dans l'instant présent. Sentez un apaisement, une énergie douce vous pénétrer. Sentez l'écorce de l'arbre contre vos mains. Respirez pleinement. Éloignez-vous lorsque vous le voudrez. Une autre technique consiste à se mettre dos à l'arbre, une main sur le sacrum, en bas du dos, une paume contre l'écorce de l'arbre, l'autre main contre le plexus solaire, haut du ventre, au-dessus du nombril. Reposez l'arrière de la tête contre l'écorce de l'arbre et si c'est possible, les pieds entre les racines. Respirez profondément et restez dans cette position 5 minutes. Ensuite, alternez les mains et recommencez afin de respecter la polarité du corps. Avant de repartir, n'oubliez pas de remercier l'arbre. Il vous a insufflé de l'énergie mieux qu'une séance de sophrologie ou d'automotivation. Alors même s'il ne parle pas, remerciez-le. Voilà pour ces minutes bonheur que j'ai adoré partager avec vous. Merci à tous. Merci à Mère Nature et très bonne promenade dans les bois. No expression, no expression.